arrache la tête. Je cache la plaque sur un XMDB, tu vas mourir belle. Je suis dans tous les domaines, quand tu baisses ta pute, gros, c'est moi que tu payes. On a des armes de fou, si on fait la guerre, impossible qu'on perde. C'est Marseille bébé, quand c'est toi qui le dis, c'est moi qu'on paye. L'argent du diable, gros, c'est grave ton temps. Tu me cherches la merde, moi j'ai grave ton temps. Je te cherche, je te trouve, je te trouve la peau. Ben ouais, là je suis grave content. Sur la vie, on a pas les mêmes potes, on a perdu des frères, on fera pas les mêmes potes. On a perdu des frères, on fera pas les mêmes potes. Pété, serein, je fais ma peine. Caché, chargé, je fais ça bien. Bien. Aujourd'hui, la hagra ça paye. Oui, la hagra ça paye. J'ai ma calage, j'ai ma peine. Pété, serein, je fais ma peine. Pète. Caché, chargé, je fais ça bien. Bien. Aujourd'hui, la hagra ça paye. Oui, la hagra ça paye. J'ai ma calage, j'ai ma peine. Pété, serein, je fais ma peine. J'suis caché, chargé, je fais ça bien. Aujourd'hui la hagra ça paye. Oui la hagra ça paye. J'ai ma calage, j'ai ma pelle.